phrase tout particulièrement est particulièrement bien placé pour contribuer au desserrement de la région parisienne. Ce desserrement est une nécessité maintes fois démontrée, évidente à tous maintenant. L'Oise, sur ce trajet, ne doit pas être oubliée. Le premier malheur de la commanderie porte un nom. On est trop fort pour eux. Ils sont pas assez coriaces, pas assez malins, pas assez rapides. Mais ils expliquent tout à la fin de la chanson. Oui, je le sais, tête de nœud, je viens de l'entendre. C'est ça que je vous raconte, la justement. Tête de nœud, c'est celui qui a jamais touché les paroles de cette chanson de merde. Il faut croire que j'étais toujours bourré quand je l'entendais. Ça va. Les casquets la note, vos casquettes pour les choux. Mettre $1 par tête. Et toi? Je te jure de plus de sortir. Je ferai ce qui me plaît, bordel. Bon, alors je m'excuse, mais je le garde sur moi. Hey Joe, tu veux que je flingue ce con? Oh merde. Si tu me flingues en rêve, tu me demandes pardon en très vieille. J'ai changé d'avis, bordel. Tu vas me flinguer ce tas de merde.